Cette semaine, on parle de mégapixels chez Canon, des appareils sortis durant l'été, d'un algorithme qui enlève les réflexions, et on parle de réflexion d'exposition. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 77. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes acolytes habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. Et François Blanchette. Hey, salut, t'as passé un bel été. Oui, et long demain. Long time, nous aussi. Ouais. Alors, c'est la rentrée d'Objectifs numériques. Oui. Et on n'a pas changé grand-chose à la formule parce qu'on se disait, ben tant qu'à prendre une pause, on va revisiter la formule. Puis finalement, on est à l'aise dans cette formule-là. Mm-hmm. Puis on n'a pas eu reçu de plainte ou quoi que ce soit. Donc, il n'est pas trop tard pour les envoyer. C'est ça. On est toujours à la même adresse. Je vais le mentionner en début d'épisode, tiens, pour faire changement. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, questions, vos suggestions à podcast@objectifnumerique.com. Eh bien, qu'avez-vous fait côté photo durant l'été? Là, vous avez eu du temps là, pour faire de la photo. Oh, oui, bon, on a eu beaucoup de temps. Moi, ben, en fait, non. Vas-y, Christian. C'est gentil. Ben, oui, moi, j'ai avec la famille, on s'est rendu assez loin, Québec, Gaspésie, etc. Fait que, bon, on va je vais parler de la première partie du voyage. Je parlerai de la deuxième plus tard. Mm-hmm. On est allé encore une fois au parc de la Jacques-Cartier à Québec. Puis cette fois-ci, par contre, l'année passée, j'avais amené juste ma RX100. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit non. Là, je veux la grosse, je veux prendre des belles photos d'étoiles, je veux essayer des affaires intéressantes, je veux, tu sais, il y a trop de belles choses, je veux prendre des belles photos. Et, j'en reparlerai plus tard. OK. J'ai, oui, réussi et non, pas réussi. OK. OK. François, toi? Moi, j'ai eu, j'ai eu plusieurs trucs que j'ai fait cet été, mais j'ai eu l'occasion d'aller pour le travail au Yukon. Pauvre toi, ça ben fait oui, pitié. Ben oui, non, j'ai... Quand on m'a offert ça, sérieusement, je me suis dit « OK, il faut pas que je manque ma chance. » Mais non. J'accepte tout de suite le contrat. Il était un petit peu moins payant que d'habitude, le genre de truc qu'on fait comme ça. Mm-hmm. Mais c'est le genre de destination que tu dis « OK, il faut que j'y aille. » Il faut que je vois ça une fois dans ma vie. Ouais, je peux pas manquer ça. Mm-hmm. Et j'ai tellement bien fait parce que... Les photos que j'ai vues, mettons qu'oui, en effet, t'as bien fait. Oui, oui. Dans les 4 jours de tournage qu'on avait à faire là-bas, il y avait le glacier du parc de Clouanet qu'on allait visiter en avion. Et un glacier, c'est un glacier, c'est de la glace. Il y a de la neige par-dessus, ça prend un avion à ski. Ouais. Donc, juste ça, partir avec l'avion juste à ça, ski. Juste ça, c'était écœurant. C'était écœurant. C'était vraiment le fun. On atterrit dans un champ de glace au milieu de pics de montagne. Si vous regardez les photos, ben, vous les avez vues. Là. Mm-hmm. Entre les pics de montagne qu'on voit, quand je suis en train de voler au-dessus des champs de glace, il y a à peu près 5 km de distance. Quand tu es en avion, tu regardes en bas, mais t'as pas du tout l'impression que c'est aussi large que ça. Ouais, ouais. Et puis t'en as à perte de vue. Là, fait que j'ai fait c'est quelque chose que tu peux pas voir ailleurs. Là. Ben oui, il y en a d'autres glaciers ailleurs, mais... Ça te prend d'aller dans le Grand Nord, ça te prend... Exactement. Fait que c'est le genre d'opportunité que t'as pas à tous les jours. Là. Oui, puis de comprendre, puis d'apprendre qu'un glacier, ça se déplace de 0,5 mètres par jour. Oui, quand même. Hein? Oui, c'est beaucoup. Il existe des timelapses. J'ai trouvé des timelapses de ça, tu sais, que tu vois le jour passé, puis le glacier qui se déplace, là, tu sais, qui vient se jeter dans les lacs. C'est vraiment... puis j'ai tout fait ça avec mon smartphone. Okay. Pas avec mon appareil 7D que j'ai pas traîné pour ce voyage-là. Puis là, t'as quoi comme téléphone? Là, t'as changé durant l'été? Ben oui, j'ai un Samsung S5 maintenant. Okay. Bon, quand même. Qui a une excellente caméra. Mm-hmm. De jour, bon, c'est toujours des bonnes photos, mais ben, là, tu vois les technologies qu'ils ont ajoutées. On en parle là, depuis un bout. Là. Moi, je l'ai observé pour la première fois. Là, toutes les petites technologies du software qui s'ajustent pour prendre la meilleure photo possible en mode automatique. Là. Je ne me suis même pas cassé le basic pour faire des belles photos. J'ai juste pointé, cliqué. Bon, de jour, c'est idéal, mais ça l'a vraiment fait de belles photos. Ben, tu sais, de jour, même, je me rappelle, même mon iPhone 4 faisait quand même de très bonnes photos de jour. Oui. Fait que j'ai pas de doute que tu as réussi à faire quelque chose qui a de l'allure avec ça. Oui. Belle expérience, vraiment le fun. Mm-hmm. Et juste pour vous dire, vite, là, le champ de glace où on s'est posé avec l'avion, 300 mètres de glace sous nos pieds. Oh, wow! C'est l'équivalent d'être près de la cime d'une montagne, puis de, en dessous de toi, il y a la vallée, là, tu sais. Wow. C'est rempli de glace là-dedans, c'est complètement fou. Là. Aïe, aïe, puis c'est solide, là. Ouais, c'est du permafrost. C'est, ouais, je sais bien, mais tu sais, tu donnes, ça bouge-tu? Ça bouge en surface. Ouais. OK. Puis, ben en fait, ça bouge pas. Ouais, il faudrait que je me le fasse expliquer comme il faut. Ouais, ouais, en je fait, comprends, mais il doit avoir une petite tranche là, qui bouge un petit peu. Oui, le dessus, j'imagine, ouais. Surtout, mais en dessous, à 300 mètres, c'est froid. Ça doit être froid. Vraiment froid. Un petit peu, oui. Alors voilà, c'était les photos que j'ai faites dernièrement. Puis toi, Stéphane? Tiens, ouais. J'ai décidé de te relancer cette fois-ci. Merci. Ça m'enlève un peu de travail. Et voilà. ben moi, début juillet, donc juste après le dernier épisode, je suis allé au Comic-Con de Montréal et comme chaque année, j'ai fait de la photo, photographié des cosplayers, donc mm-hmm. des costumadiers. Et puis, des cosplayers, oui. Oui, c'est ça. Et bon, des photos du décor aussi, de kiosques, de trucs comme ça. Mais cette année, j'en ai fait un peu moins qu'à l'habitude. Le vendredi soir, je vais toujours là avec... ben là, j'ai amené mes deux enfants. Okay. D'habitude, j'y allais avec ma mm-hmm. fille. Mais là, mon fils est rendu assez vieux pour apprécier le Comic-Con et avoir un peu plus de patience, disons, ouais, au bout de 45 minutes. C'est plus ça le problème. Oui. Et je vous dirais, là, c'est ça. Si vous voulez amener un enfant dans un événement comme ça et vous prévoyez y passer 2 heures et plus, je vous conseille d'y aller avec un enfant de 6 ans et plus. Parce qu'avant ça, un enfant, ça n'a pas beaucoup de patience. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est ça. Et même 6 ans, ça dépend de ce que vous faites. Mm-hmm. Alors voilà. Mais là, le vendredi, donc, j'ai pas pris tant de photos que ça. Quand même quelques-unes. Puis je suis allé surtout le samedi pour en prendre, mais je suis pas allé le dimanche. D'habitude, je fais les 3 jours. Puis là, ben, j'ai pris congé le dimanche. Je suis pas allé. Slacker. Oui, c'est ça. Je vais... Donc, j'ai publié 72 photos cette année versus 146 l'année dernière. Limitation voulue ou... Oui, un peu voulue. Il y avait, je ne sais pas si c'est parce que c'était l'été, mais il y avait un petit peu moins de gens okay. Cette année. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Puis, je ne sais pas, j'ai peut-être été plus sélectif dans les photos que j'ai prises. Je sais pas. C'est pas mauvais. Ça a donné comme ça. C'est pas... ben, t'es satisfait du résultat? Oui. J'étais très satisfait. Il y a des gens qui m'ont écrit pour avoir leurs photos parce qu'ils étaient contents. J'ai pas fait autant de publicité que l'année dernière. Par mm-hmm. contre, je donnais des cartes d'objectifs numériques l'année dernière puis j'avais mis un lien et tout ça. Mais là, j'ai pas fait ça cette année. Mais quand même, il y a des gens qui m'ont retrouvé par Flickr ou par Instagram. Donc, c'est intéressant. Si jamais il y en a qui veulent suivre mon compte Instagram, c'est Steph V, donc S-T-E-P-H-V 909. Et puis, sinon, ben, passez par Flickr. Je vais mettre le lien Flickr dans les notes d'épisode. Vous pourrez aller voir ça si ça vous tente ou si vous ne les avez pas déjà vus. Et là, on va passer au bloc nouvelles. Christian, de ton côté, tu nous parles d'une multitude de mégapixels. C'est pas fini la guerre des mégapixels? Ça n'a pas l'air, non, parce que Canon est tout à fait parti dans la guerre après avoir annoncé en début de semaine un appareil qui intéresserait probablement plutôt François, en fait. C'est un appareil photo, une caméra, vraiment vidéo, à 250 mégapixels. OK. Ça commence à être assez incroyable, on n'a pas besoin de se le dire, là, c'est quelque chose. Cette fois-ci, ils ont décidé, il y a 2-3 jours, d'annoncer un petit appareil photo à 150 mégapixels. Oui, c'était 120, je crois. Oui, tout à fait. C'est en effet 120 mégapixels. Mais on s'entend-tu que c'est comme assez phénoménal, là? Rendu là, t'as la différence de la résolution d'un appareil actuel. Oui, c'est ça. Ouais, 120 mégapixels, ça fait des fichiers lourds. Hein? Oui, quand on considère qu'en ce moment, là, les 5DS et 5DSR, là, c'est 50 mégapixels, là, ça commence à être gros. Là. Je sais pas. T'sais, bon, ils disent qu'ils sont en train aussi de travailler sur une caméra 8K, des choses comme ça. Je vois l'intérêt. C'est pas le genre de produit qui va sortir là, d'ici 3 mois ou rien de ça. C'est bien qu'il ait fait ça. Va falloir en savoir un peu plus quand même là-dessus parce que bon, on en a parlé souvent dans le passé. C'est beau avoir beaucoup de mégapixels, mais il en faut plus. Là. T'sais, exemple, ceux qui ont suivi un petit peu ça, les 5DS et 5DSR, pour ce qui est de l'ISO, là, c'est pas fameux. Là. C'est même assez moche. Là. Mm-hmm. C'est vraiment. Ben, c'est des caméras, c'est des appareils photo vraiment pour. Studio, là. Ouais. Fait que ça, c'est clair, net et précis, mais quand même, là. Ouais, il y a un compromis, là, c'est ça. Il faut que tu fasses un compromis à un certain moment donné, là. Tu peux pas tout avoir, là. Regarde, c'est quoi, là? C'est la A7R? A7S, oui, que qui tu est veux, juste 12 mégapixels, ouais, 12. Mais qui a une sensibilité ISO incroyable. 400-9600, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire des compromis à un certain moment donné, là. Mais bon, on ne sait pas ce que le futur nous amène non plus. Là. Peut-être qu'ils vont réussir à faire 120 mégapixels puis réussir à monter à 400 000 d'ISO. Ouais. On ne le sait pas, là. Mais je trouvais ça quand même, tu sais, on dirait, tu sais, je pensais que la guerre des mégapixels était finie, mais ça a bien l'air que non. Là. Mm. Il y a des gens qui en veulent toujours plus. Parfait, merci. Toi, de ton côté, François? Ben, il y a un algorithme qui enlève les réflexions. Il y a des chercheurs du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology, qui ont créé un algorithme qui est capable non seulement d'enlever les réflexions dans la fenêtre. Par exemple, tu es dans ta chambre d'hôtel, dans une nouvelle ville, puis là, tu te dis hey, « je vais prendre la ville, je suis bien placé en hauteur ». Il y a une fichue réflexion. Il y a une réflexion. Les néons. Oui, les néons de ta chambre, ta lampe de table. Si t'as... Ou toi, tout court. Même si tu éteins les lumières de ta chambre, tu peux quand même avoir des réflexions de toi-même. Ils ont développé un algorithme, j'ai de la misère avec ce mot-là, qui est capable d'empêcher de voir la réflexion. Tout ce que ça prend, c'est une petite séquence de quelques secondes en vidéo. Le logiciel embarque et est capable d'effacer la réflexion carrément. Ah ouais. Mieux que ça, il est capable de reproduire la réflexion en entier de toi-même, si c'est toi la réflexion. Wow. De la même façon, ils sont aussi capables d'enlever la clôture si tu es là en avant-plan. Tu veux shooter quelque chose en arrière et tu n'es pas capable. Comme un animal féroce. Là. Oui, c'est ça, un lapin féroce, par exemple. Fait que tu peux enlever la clôture en avant-plan avec leur technologie. Oui. Faut que tu fasses une vidéo pour... C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas c'est quoi exactement, quelle façon tu le fais, mais la technologie, c'est on doit utiliser une séquence d'images pour que l'algorithme puisse... J'imagine qu'il arrive à voir les parties qui sont ombragées dans un versus dans l'autre, puis il arrive à faire une quelque chose moyenne, comme ça. Whatever. Pour avoir une explication très précise, il y a une vidéo qui existe que vous pouvez aller voir dans les notes. On voit les exemples de réflexions enlevées ou ajoutées. Et ensuite, il y a l'explication très, très, très technique de la chose. C'est intéressant si c'est quelque chose en fait, si dans vos projets, vous avez besoin de ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Bon, c'est pas quelque chose qui est rendu public. Ça va être probablement vendu à des organismes d'espionnage ou des agences de... Tu sais, quand tu veux faire suivre ta femme parce que tu as l'impression que elle n'est pas fidèle. Ou simplement pour la police, les autorités, s'ils veulent retrouver quelqu'un, ils peuvent se servir d'une réflexion dans une fenêtre ou dans un véhicule. Au niveau criminel, militaire. Toutes les possibilités sont là. Absolument. Mais voilà. Alors, avec la vidéo, on comprend super bien comment ça fonctionne. Parfait. Ouais. Puis moi, je vais vous parler de trois appareils qui sont sortis durant l'été. Quelques petites statistiques intéressantes, caractéristiques intéressantes plutôt. Il y a le Fujifilm X-T10, qui est un modèle un petit peu en dessous du X-T1, mais qui est beaucoup plus abordable, qui a quand même des caractéristiques intéressantes, parce que le X-T1 est vraiment un appareil... que j'avais beaucoup aimé. Oui. Oui. Moi aussi, je me souviens de l'avoir essayé et de l'avoir bien aimé. Et bon, on parle d'un appareil de 16 mégapixels pour ceux que les mégapixels intéressent. Ça a quand même un intérêt. Là. Oui, on ne peut pas dire que ça n'en a pas. Là, non, absolument. Mais disons que c'est dans la moyenne, c'est très correct, 16 mégapixels. Au-dessus de 12, moi, je considère que c'est correct. Là, c'est ça. Pour la majorité du monde, disons. Oui, absolument. Il y a un viseur numérique à 2 360 000 points. Donc, un bon viseur, là, une bonne résolution. Un écran 3 pouces à 920 000 points, donc aussi une bonne résolution. Et c'est un appareil qui monte jusqu'à ISO 51 200, qui va tourner la vidéo Full HD et tout et tout. C'est un capteur APS-C, crois, qu'il y a dedans. APS-C, X-Trans, CMOS 2. Puis honnêtement, ce sont vraiment de très bons capteurs. Oui. Pour tous les appareils Fuji m'ont impressionné, absolument, ceux qui avaient ça. Absolument. Puis... Je l'ai dit quelques épisodes là, avant l'été, j'ai un petit faible pour les photos noir et blanc avec les appareils Fuji. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui... Une petite touche magique, je sais pas quoi. Moi non plus qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier avec ça. Et d'ailleurs, depuis le Comic-Con, je dirais, je me suis découvert un penchant pour... je mets dans tous mes albums photos sur Flickr, là, il y a quelques photos que je mets toujours en noir et blanc. Souvent, ça va être s'il y a des trucs avec une foule ou des trucs comme ça. Je trouve que ça s'y prête encore mieux. Ouais. Mais les paysages aussi. Oui. Je peux te dire, oui, pour absolument. En avoir fait quelques-uns, paysages, ça va bien aussi. Mm-hmm. Fait que j'expérimente. J'ai un petit intérêt qui se développe vers le noir et blanc. Sans essaye, vouloir faire essaye. De jeu de mots avec développer. Oh, ouais, c'est vrai. Mais ça m'a impressionné, ce jeu de mots-là. Oh, boy. Et c'est parti pour une nouvelle saison. Non, mais je suis complètement flabbergasté par vos bons jeux de mots, là, quand même. Non, mais tu te donneras le défi à un certain moment donné de prendre ton appareil photo puis de le mettre vraiment en noir et blanc pour que la. Ce qui sort de ton oui. viseur est en noir et blanc, puis tu prends des photos, puis tu vas voir, c'est... Je l'ai fait. C'est je, dur. Je l'ai déjà fait. Et facile. Ça change les photos que tu vas prendre, ouais. Ton cadrage ou ton, ouais. Ta composition là, va changer juste dû au fait que c'est en noir et blanc. Ouais, ben déjà en partant, la lumière, tu vas rechercher des contrastes, ouais. Des trucs, tu veux pas que ça soit trop égal. Exactement. En partant, ça. Là, ouais. Ouais. Moi, je trouve que la photo devient plus intéressante encore. Quelqu'un qui... est un peu, tu sais, t'es un peu là de faire de la photo puis tout ça. C'est un beau défi. C'est un beau défi pour mm-hmm. Retrouver sa motivation. En tout cas, moi, je trouve que c'est stimulant de voir la photo différemment. Donc, tu te mets à faire que de la photo en noir et blanc. Si l'appareil le permet, on le met en mode noir et blanc en partant. Donc, aucune photo couleur. On peut toujours les retransférer dans Lightroom ou peu importe. Mais au départ, prendre les photos en noir et blanc à la base puis déjà juste par ce fait-là, la composition va changer. Ça, c'est clair. Donc, on va approcher le sujet d'une façon différente. Changer le focus de nos photos. Voilà. Merci, Christian. Tu étais le seul qui n'en avait pas fait à date. Je cherchais depuis tantôt. Ensuite, il y a le Panasonic Lumix DMC GX8, ou juste le GX8 pour ils les intimes. Ils ont des noms, eux autres. Oui, Panasonic, là, ils n'ont pas l'affaire pour les noms. C'est sexy. Incroyable. Là. Pour tous les types de produits Panasonic, je sais, m'excuse. Je suis d'accord, là, c'est vrai. Mais vraiment, là, c'est toujours une série de chiffres et de lettres. Oui, il y a une logique derrière, mais le consommateur s'en fout. Non, de elle ça, est dure. Même moi, je veux dire, qui connais un peu les produits, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui parce est que DMC, c'est quelque chose comme Digital Micro Camera, quelque chose comme ça. Ah, là, ouais, mais, okay, oui, ouais. Il y a une logique. Ouais. Mais les gens veulent pas ça se rappeler pas de tout ça. Là. Dis-moi, tu sais, je veux un GX8, c'est correct, mm-hmm. mais enfin. C'est mon avis personnel et il semblerait que vous le partagiez. Tout à fait, oui. Oh, oui. Capteur de 20,3 mégapixels. On a un tout nouveau moteur pour traiter les images, le Venus Engine. C'est un appareil micro 4 tiers. On a un viseur qui, ça dit tilting, donc qui est inclinable, ce qui peut être intéressant pour prendre l'appareil dans un autre angle, mais se servir du viseur. Donc, on peut l'incliner un petit peu, j'imagine, vers le haut, là, un peu comme pour filmer. Un peu comme tu peux faire avec certains écrans, mais tu peux le faire avec le viseur. Oui, c'est ça. Pas bête. Donc, intéressant. 2,36 millions de points, là, un peu comme le X-T10 de Fuji. Évidemment, on a de l'enregistrement vidéo 4K. Panasonic qui est très fort dans la vidéo 4K. On a une sensibilité ISO qui monte jusqu'à 25600. Et, d'ailleurs, la vidéo 4K, c'est 24 ou 30 images secondes, mm-hmm. ce qui est intéressant. C'est très donc, bien. Ouais. Sinon, ben c'est ça. C'est un autre appareil qui semble très intéressant. Rafale de 5,5 à 8 images secondes selon le type de mise au point, le type de focus. Et voilà. J'ai pas donné les prix, alors je vais donner les prix pour le Fujifilm tout d'abord dont j'ai parlé tout à l'heure. On parle de 1 100 $ américains et 1 450 $ environ canadiens. Le Panasonic, 900 $, environ 1 180 $ canadiens. Et le troisième appareil, je vais commencer par le prix tant qu'à être là-dedans. Autant faire pleurer en partant. Oui, c'est ça. Et vous déciderez si vous continuez d'écouter le reste du segment ou non. On peut toujours rêver. Hein. C'est ça. On parle du Sony A7 R2, donc la deuxième mouture de cet appareil. On parle de 3 200 $ américains. Donc, ça, c'est sans objectif, si ma mémoire est bonne. Sans objectif. Boîtier seul, tous les prix que j'ai donnés à date, c'est sans objectif. Ouch. On parle donc, avec le taux de change actuel, de 4 200 $ canadiens. Mmh, c'est débile. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ouais. On partira pas là-dessus, mais mettons que c'est pas le bon temps pour acheter. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas idéal. Là. Enfin, pour ceux qui auraient les moyens, voici les caractéristiques intéressantes. On parlait des Canon 5S, 5DS, pardon, et compagnie. Il y a dans celui-là 42 mégapixels. Il y en avait 36 dans la première version. Et maintenant, ils sont passés à 42 mégapixels. On a la vidéo 4K, donc qui est intéressante. On a une stabilisation interne sur 5 axes, ce qui est très intéressant. C'est Olympus qui avait ça, à peu près juste Olympus, je pense, qui offrait ça jusqu'à tout récemment. Il y a 399 points d'autofocus en détection de phase. Je pense qu'il en manque une coupe. Il en manque un, en tout cas, pour faire un chiffron. Rafale de 5 images secondes. Même type de viseur, 2,36 millions de points. Écran 3 pouces à 1,228 millions de points. Inclinable, comme toujours. ISO 102400. On s'entend que, bon, à 42 mégapixels, on ne pourra pas monter là. Ça va faire trop de bruit. Mais quand même, toujours Wi-Fi, NFC, comme la plupart des appareils Sony. Et non seulement les appareils photo, mais les appareils tout court. Ouais. Là-dessus, ils sont forts, Sony. Il faut être honnête, là. Et voilà, pour ceux que ça intéresse. Fait que finalement, ça a l'air d'un appareil décevant. Là. On voit 5 images à seconde. Là, c'est vraiment moche, là. Oui, oui. Non, mais c'est con, mais on s'habitue. Et moi, mon A7 fait 4 images secondes et je trouve ça lent parfois. Moi, j'en doute pas. Ça fonctionne bien, là. Oh, oui. Mais il me semble que c'est lent. Ben, je garde, moi, j'aurais de la misère. Tu sais, ma 7D me fait rager sur certains détails, mais retourner en bas de 8 images à seconde, j'aurais un peu de misère, je l'avoue. Là, ouais. C'est... Ça te prendrait 6,5 ou 7 pour être à l'aise. Là. Ouais, ouais. Mais bon. Et ce que l'histoire ne dit pas, mais que je vous répète depuis plusieurs fois, l'autre gros bémol, malheureusement, des appareils Sony, il va falloir que Sony travaille là-dessus. La pile, la batterie, qui ne dure pas très très longtemps. Donc, on s'entend que ça doit durer maximum 300 images, ça, ces ça batteries-là. Ça me fait capoter. Puis là, si tu tournes la vidéo 4K, ben oublie ça, là, ça va drainer ta batterie. Ça, c'est une estimation personnelle, mais j'estime à une heure et quart pour la batterie en vidéo 4K. Ça ne doit pas dépasser ça. Là. Et puis encore là, je te trouve généreux. Parce que 4K, là, tu commences à faire chauffer le processeur en maudit. Là. Même que dans certaines situations. Oui, presque. Parce que dans certaines situations, la caméra se met en mode overheat. Elle arrête complètement. La 7D, j'ai expérimenté ça avec elle. C'est du HD 1080. Alors, en 4K, le processeur chauffe encore plus. Ouais. Le boîtier, s'il est tropicalisé, il respire moins. C'est vrai. Il n'y a pas de fan qui fait évacuer la chaleur. Fait que c'est toutes des choses qui font que l'appareil est mieux d'être pas trop dans un environnement chaud. Là, parce que c'est le cas. C'est un boîtier en magnésium, en alliage de magnésium, et qui est weather sealed, donc tropicalisé, et qui risque de moins respirer. Donc, possiblement de chauffer, mais là, on ne l'a pas essayé. Donc, on va pas... On spécule. Mais voilà, donc pour ceux que ça intéresse, si jamais... Ça a l'air écœurant, là, on s'en cachera pas personne, là, ça va être quelque chose, là, mais... Moi, j'adore toujours mon A7, là, sauf que c'est ça, ça a toujours été la batterie, mais avec... Moi, j'ai 3 batteries, ils coûtent pas très cher, les batteries, comparé à d'autres modèles. C'est juste qu'il faut penser à regarder, un peu comme beaucoup d'appareils, de téléphones cellulaires, il faut penser à regarder sa pile, puis penser à le charger ou à changer. J'arrête de la misère avec ça, parce que moi, la 7D, je la prends, puis je peux passer des 6 mois sans rien faire avec, puis là, tout à coup, je la ramasse, il me reste 15 photos. Justement, tu fais rien avec. Non, mais je veux dire... C'est pour ça qu'il y a dur longtemps ta batterie. Oui, mais dans le sens que... Ces batteries-là se drainent quand même si c'est tu les utilises Oui, okay. C'est ça le problème. Faut que tu penses à les charger la veille ou... Je sais pas pour quelle différence de technologie, mais sur les appareils des SLR, ils drainent, mais beaucoup moins rapidement. Ouais. Puis tu peux passer 2, 3, 4 mois, tu ramasses ton appareil photo, puis il me reste juste 500 photos, c'est décevant. Tu sais, d'habitude, j'en fais 800, tu sais. Tandis que là, comme moi, j'ai vérifié mes batteries, parce qu'en fin de semaine, je m'en vais à un truc à Sherbrooke, puis où je vais probablement prendre des photos. Et j'ai regardé mes batteries, puis j'en avais une à 42%, l'autre à 75%. J'en ai une qui était restée à 100. Je ne sais pas si j'ai deux batteries qui commencent à prendre de l'âge, mais ou celle qui est à 100, peut-être que je l'ai chargée plus récemment, puis elle avait gardé sa charge, mais les deux autres, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, puis j'en ai une qui était à 42. Là. Il faut toujours penser à ça quelques temps avant. J'ai hâte que Sony annonce « Nous avons de nouvelles technologies dans nos batteries et celles-ci sont compatibles avec tous les anciens modèles ou peu importe. » Mm-hmm. Mais ouais, ça va être un gros facteur. C'est souvent le nerf de la guerre. Le gros problème de bien des appareils photos, c'est ça, mm-hmm. c'est la pile. Ouais. Alors voilà, c'était le bloc nouvelle que nous concluons là-dessus. Et on va passer à un petit topo. Ça, c'est le changement. Un des changements qu'on apporte à la formule pour cette saison, c'est qu'il va y avoir un seul topo par épisode. Et pour cet épisode, le chanceux, c'est Christian qui va nous informer sur toutes sortes de trucs. Ben, en fait, un peu comme j'avais commencé à parler au début du podcast, je suis allé faire des photos de nuit dans le parc La Jacques-Cartier. Puis je me suis rendu compte que il m'est arrivé quelques mésaventures, entre guillemets. Puis je me suis dit, ça pourrait faire un article, un topo intéressant pour tout le monde. Oui, partage tes aventures avec nous, Christian. Ouais, c'est ça. On va trouver une musique thématique aussi. Oui, ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais ça n'a pas été si mal que ça. Mais tu sais, je vais vous donner le meilleur exemple, OK? Premièrement, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est bien beau de se dire, ah oui, je passais dans le chemin pour s'en aller, puis je me suis dit, ce coin-là, ça a l'air pas si mal. Je pourrais revenir ça à la nuit. Quand la nuit va être arrivée, je vais revenir à cet endroit-là, puis je vais pouvoir prendre des photos, le spot est popé. De temps que j'ai pas réfléchi vraiment complètement à mon affaire, c'est que je suis dans le parc de la Jacques-Cartier. Lire, il n'y a pas de lumière. Mm. Mais quand je dis il n'y a pas de lumière, c'est noir. Et c'est ça, c'est une des choses. J'avais heureusement pensé une petite lampe de poche que je traîne maintenant toujours dans mon sac photo. Mm-hmm. Oui. Puis là, je me suis installé, mais là, est-ce que je suis à bonne place? Je le sais même pas. Parce que j'ai pas de repère. J'ai rien. Fait que là, je suis comme, OK, là, je commence à m'installer. Puis là, tu te dis, bon, c'est pas grave, avec l'exposition, je vais être capable de voir pareil parce que l'appareil photo voit quand même plus que moi. Mais non, parce que ce que j'ai pas pensé, c'est que il faut que tu penses où est rendu, où est-ce que le soleil se couche, parce qu'il y a toujours un peu plus de luminosité à cet endroit-là, même quand tu es rendu dans la nuit. Si tu vas de l'autre côté, c'est noir. Fait que là, OK, je commence à faire ça, puis là, je m'installe, je me dis, oh non, je suis pas du bon côté. Mm. Puis là, ça marche plus, là. Là, je trouve plus aucun repère, je trouve plus rien. Fait que là, je suis comme, bon, ça marche pas mon affaire. Fait que je vais me déplacer un petit peu, je vais essayer de trouver un autre point. C'est pire encore. Je m'installe pareil, je me dis, je vais essayer de prendre des photos. Mais là, il m'est venu la peur. Parce que là, je suis pas quelqu'un qui est peureux. Là, il n'y a rien autour de toi. Là, tu commences à entendre des petits bruits, des choses, des affaires. Là, tu es comme, je suis dans le noir complet. Je sais qu'il y a des ours. Je sais qu'il y a plein de bébites. Là, à un moment donné, ton cerveau, il commence à tourner tout seul. Là, tu fais comme, bâtard, qu'est-ce que c'est ça? Où c'est que je suis en ce moment? Quelle idée de génie j'ai eue? Mais ça, c'était le pire que j'ai eu. Avant ça, je m'étais rendu un petit peu avant l'aurore sur un pont qui était beaucoup mieux placé. Là, à ce moment-là, j'ai réussi à prendre des photos, mais tu sais, encore un peu aurore. Fait que tu sais, c'était pas complètement noir. Le résultat est très bon, là, mais c'est juste que ça n'a pas donné le résultat d'étoiles que j'aurais voulu, que j'ai été capable de faire l'année passée avec ma Ericsson, mais c'est parce que tu sais, c'est limité. On s'entend-tu, là, le capteur est pas hallucinant là-dessus. Fait que je me suis dit, bon, peut-être qu'avec ma 7D, je vais être capable de faire de quoi. Ça m'en vient à un autre point qui est, tu sais, quand t'as pas 10 000 piastres d'équipement, ben ça paraît. Parce que là, je me suis dit au début, bon, c'est pas grave, j'ai ma 85 mm, c'est 1.8, ça va laisser rentrer beaucoup de luminosité. Vrai, OK. Sauf que 85 mm, c'est fait pour... Ouais, c'est très étroit comme... C'est ça. Fait que là, le résultat, il était pas bon. Mm-hmm. Fait que j'ai retourné à ma 2405, mais là, on était à F4. Ça donne pas un résultat super fantastique. Fait que là, il a fallu que je monte mon ISO, qui est pas très bon sur la 7D. Ouais, sur j'ai la pas 7D, besoin de te le dire, là, ça commence à être dépassé. Ouais, là, ouais. À 800, là, je suis un petit peu trop de bruit. Fait que là, tu sais, un petit peu de frustration qui commençait à monter, là. Fait que là, je me disais, bon, tu sais, si vous voulez faire de la photo d'étoiles, ça vous prend un objectif à 1.4 ou 1.8, c'est clair. 50 mm, ça commence à être surtout si vous avez un capteur APS-C. APS-C, ou exactement. Petit, là. Si vous êtes en full frame, ça, ben, en plein capteur, c'est ça peut même... aller, mais c'est... Moi, je dirais, c'est ça j'allais dire, le mieux que tu pourrais trouver, là, c'est 24 ou 35. Ça, mm-hmm. là, c'est vos deux meilleurs amis, ces deux-là. Mais j'ai trouvé une autre idée aussi qui était pas mal. Vous rappelez-vous, Sigma avait sorti il y a quelque temps un appareil variable qui est un zoom 18-35 à f1.8. Oui. Ça pourrait être un achat intéressant pour moi, je pense. Ça fait un bout qui m'intéresse, là, puis... Mais lui, il n'était pas dans la série Art, hein, parce que c'est cher. Je l'ai, il n'est pas si pire. J'ai travaillé avec cet objectif-là. Il est 1000$. Ouais. Il n'est pas si pire, pas là. Si mal, ouais. Non, il est quand même pas si mal. Heureusement que c'est Sigma, sinon ça serait le double. Oui, définitivement. Fait qu'en tout cas, bref, tu sais, ça prend... Ce que je me suis rendu compte, c'est, tu sais, je suis parti vers... à peu près 8 heures, puis tu sais, les enfants étaient couchés, puis tout ça, je me suis dit, il n'y aura pas de problème. Mais rendu à 10 heures, là, comme je vous dis, tu sais, quand tu es tout seul dans la forêt, tu n'as pas rien, tu as juste la petite lampe de poche, puis là, tu ne peux pas l'utiliser tant que ça non plus, ta lampe de poche, pour regarder autour de toi, parce que ça va gâcher ta photo. Mm-hmm. Fait que là, mais là, tu peux faire du light painting. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste, tu sais, il faut vraiment planifier tes affaires. Fait que moi, ce que je vous suggère, si vous décidez de faire ça, dans mes suggestions les plus importantes, c'est aller sur place. Mettez-vous des marques sur, si vous êtes capable de mettre un petit poteau avec un drapeau, si vous avez un point que vous voulez vraiment prendre une photo. Parce que dans le noir, là, c'est dur à retrouver. C'est dur à retrouver. Ouais, ouais. Essayez de trouver quelque chose de vraiment... Tu sais, juste accrocher une petite banderole, n'importe quoi, là, juste pour avoir quelque chose à trouver. Moi, au début, je me suis dit, c'est pas grave, il y a un stop. Ben, pas un stop, un panneau de signalisation. J'ai jamais été capable de le trouver dans le noir. C'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est des détails, mais il faut trouver quelque chose d'un petit peu plus flashant, un petit peu plus voyant. Surtout si au départ, disons, tu es passé en auto puis tu reviens à pied, les distances sont pas les mêmes. C'est là. Ça l'affaire. Fait que tu te dis, bon, j'ai marché assez longtemps. Non, en voiture, ça va beaucoup plus vite que ça. Exactement. C'est peut-être plus loin ton fameux panneau. Puis c'est ça, moi ce que je t'ai mêlé, c'est comme tu es dans le noir puis que tu as juste les lumières de la voiture, parce que moi je retourne en auto parce que c'était vraiment trop loin de ce que j'étais. Puis comme tu as juste les lumières de ton auto, ben c'est limité ton champ de vision quand même. Puis là, tu essaies de trouver des points. Là, je me suis dit, c'est pas grave, à une certaine place, il y a un chalet. Mais je n'étais pas capable de le voir parce qu'il faisait trop noir, le chalet. Fait que tu sais, c'est tous des facteurs comme ça si j'avais vraiment pris la peine de juste aller repérer puis aller mettre un point vraiment facile à retrouver, ben j'aurais pas été pogné. Ou même, tu sais, tu vois, j'ai même pensé à une autre affaire. Tu as des applications, des fois, sur ton téléphone, tu peux même te mettre un point sur ton GPS à cet endroit-là. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu peux, en utilisant le GPS, tu vas retrouver ton... Ouais. Tu as quand même une certaine précision à quelques mètres près. À peu près, là, c'est clair, là. Ouais. Puis, tu sais, je dis, préparez, comme je disais, votre matériel. La lampe de poche, ça, c'est clair, là. Un trépied léger. Mm-hmm. Ça paraît pas, mais moi, j'ai changé 2-3 fois d'espace. Ben, j'ai pas replié le trépied au complet. Bon, j'ai une minivan, c'est sûr, vous me direz, ça aide. J'ai juste sacré le trépied presque complètement, qui était tout déplié, tout ouvert. Fait que là, ça m'a permis de gagner du temps par rapport à ça. Mais tu sais, si mon trépied avait été gros, encombrant et lourd, c'est moins évident non plus. Le déclencheur. Puis là, celle-là, ça a l'air ridicule, mais c'est un point que je me suis dit, un sifflet ou quelque chose. Tu sais, si vous avez besoin de faire peur ou de bouger ou n'importe quoi, si vous voulez vraiment là, un petit poivre de Cayenne, mais ça, je le conseille pas nécessairement. Mais tu sais, quelque chose juste au cas où. On sait jamais. Quand vous êtes dans la forêt, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Quand j'étais au Yukon, dans mon voyage, tous les guides qui nous emmenaient en montagne avaient, ainsi que plusieurs hitchhikers, des randonneurs, il y avait souvent, surtout les aguerris, il y avait une petite bonbonne de poivre de Cayenne pour les ours. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Il y en a en Gaspésie aussi. Là. C'est, bon, c'est vraiment... D'habitude, ils ont peur de l'humain. C'est clair. Jamais. Un ours affamé, blessé. C'est ça. Ou là, une femelle avec t'as la nuit. T'es la nuit. Il y a des loups. Pas comment qu'il va réagir. Oui, c'est ça. Il y a des loups aussi, d'habitude, ils ont peur de l'humain. Là. Ils vont pas s'attaquer, là, tu sais, mais tu sais jamais. Ça portait aussi des vêtements plus chauds au cas où il se mettrait à pleuvoir. Tout à fait. Préparer ça aussi. Moi, je sais que j'avais acheté tout un kit qui n'était pas... cher ou fantastique, mais c'était des plastiques pour mettre sur ton appareil photo ou des choses comme ça, que tu peux visser là, la chose que tu mets au bout de ton objectif. Là, le pare-soleil. Le pare-soleil, exactement, en avant, puis ça te permettait de garder ton objectif et ton appareil photo complètement sec. Mm-hmm. D'ailleurs, le pare-soleil peut servir de pare-pluie, si on veut, de parapluie. Oui. Ça protège l'objectif de la pluie qui tombe. Donc ça protège même l'objectif en tant que tel. Parce quand que lui-même tombe. Oui, c'est vrai. Tu peux le déposer par terre sur le pare-soleil, aucun problème. Oh, oui. Tu protèges ton objectif. Absolument, mais souvent les gens ne pensent pas à ça. Et moi-même, je ne le traîne pas souvent, mon pare-soleil. Mais dans les endroits où il y a des foules et tout ça, passer dans la foule avec l'appareil photo, moi j'ai le réflexe de toujours le tenir vers le bas, le pointer vers le bas. Mm-hmm. Mais on ne sait jamais, quelqu'un qui peut soulever quelque chose puis ça vient... Ouais. Ouais. Frapper directement dans l'objectif ou s'il y avait un pare-soleil, ben ça pourrait peut-être empêcher le contact. Oui. C'est des petits trucs. Sur une 110-200, j'ai un ami photographe, il dit je sais pas combien de fois que j'ai évité des catastrophes parce que le pare-soleil est long, là, tu sais. Il mesure vraiment quelques pouces. C'est lui qui absorbe une partie du choc. Exactement. J'en ai remplacé souvent, mais garde. Ben, ça coûte moins cher que l'objectif. Oui, définitivement. L'autre chose que je voulais dire, c'est ça aussi. Planifier beaucoup de temps. Pensez à qu'est-ce que vous voulez faire. T'sais, si vous voulez faire des traînées d'étoiles, là, pensez à deux choses. Un, faites une sieste dans l'après-midi. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est important. Parce que moi, rendu, tu sais, j'avais eu une grosse journée, puis rendu à 10h30, 11h, je commençais à être fatigué, ça avec. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a joué sur le moral et toute la patience, et etc. Oui. Fait que ça avec, c'est important de planifier qu'est-ce que vous voulez faire. Tu sais, on peut s'installer, puis encore, je suis allé en fin de semaine, puis je suis allé prendre quelques photos, puis ça allait pas tout à fait comme je voulais non plus. Puis là, c'est comme, je me disais, si j'avais pris plus de temps, tout serait correct, j'aurais eu le temps de gosser, de modifier, tout ça. Mais là, j'étais comme, non, là, il est rendu 11h, minuit, là, je suis tanné. Parce que j'avais pas pris assez, tu sais, je m'étais pas reposé, j'étais pas prêt à faire ça. J'avais pas bien planifié mes affaires. Puis tu sais, s'il y en a qui sont curieux aussi sur... mettons comme les réglages, puis tout ça, si vous voulez prendre des photos de... Je dis pas que ma recette est parfaite. J'ai réussi un résultat correct avec qu'est-ce que j'avais comme équipement. Comme je disais, bon, j'avais mon objectif 24-105, donc j'étais à F4. J'avais mis un manuel focus que j'ai mis à infinity. J'ai enlevé l'autofocus parce que... pas l'autofocus, le... stabilisateur, excusez-moi. Oui, oui, le important. Stabilisateur quand j'étais sur mon trépied. Oui. Ne pas oublier parce que ça a l'air niaiseux, mais ça peut gâcher vos photos. J'ai découvert ça par après. Puis, évidemment, bon, là, j'ai boosté un petit peu mon ISO parce que je me suis dit, bon, on va s'essayer. Je l'ai mis à 1600 avec environ 15 secondes parce que si vous faites plus que 15 secondes, ça fait des traînées d'étoiles dans le ciel. Puis, le résultat est pas pire. C'est pas hallucinant. Je suis pas 100% satisfait, mais changer juste l'objectif, d'après moi, déjà, j'aurais gagné beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, essayez-vous. Ça coûte pas une fortune nécessairement si vous voulez vous essayer. Puis, il reste la location aussi. Tu sais, la location, ça peut être quelque chose si vous voulez dire, ben moi, je voudrais en faire dans le futur. Ben, louez-vous-en. Puis, ne pas oublier. J'allais oublier ce détail. Si vous voulez faire de la photo d'étoiles, là, allez dans le nord. Allez loin. Où est-ce qu'il n'y a pas villes, de luminosité? Parce que même moi, dans le parc Léger-Cartier, un petit peu plus loin, là, je commençais à voir la luminosité de la ville parce que je commençais à me rapprocher, puis on était loin de la ville. Là. Ouais, la pollution lumineuse. Il y avait justement... c'était super intéressant là-bas. Ils ont des activités de conservation, des choses comme ça, puis ils parlaient que ce genre de choses-là que je voulais faire, ça va s'en venir de plus en plus dur parce que la luminosité ambiante des villes est tellement rendue puissante que... genre même Mégantic commence à avoir de la misère à fonctionner. Ben oui, je suis allé cet été aussi pour les Perséides, puis malheureusement, il faisait pas beau, il y avait du brouillard au sommet de la montagne, on n'a pas pu voir d'étoiles filantes, donc j'ai pas pu prendre de photos non plus, mais on voit au loin, on voit la pollution lumineuse de Sherbrooke et des petits villages environnants qui commencent à être plus populeux, puis à avoir de plus en plus de lampadaires, de lumières, de rues et tout ça. Mais c'est encore correct au sommet. Pour être allé cet été, oui, il y avait un peu de brouillard, mais il faisait noir. il faisait vraiment noir, ouais. Mais c'est beaucoup mieux que, disons, autour de Montréal. Ouais, là. Ouais, c'est clair. Mais ouais, il faut vraiment s'éloigner des villes quand on veut faire un peu de photos. T'as pas le choix. Ouais. D'accord, en tout cas, j'espère que ça va vous aider, que vous allez avoir... Tu sais, si vous avez des expériences, je suis curieux de savoir, vous, comment ça a fonctionné, si mm-hmm. nos auditeurs en ont. Puis s'ils ont des recettes aussi, des réglages magiques. Parce que, comme je vous dis, je suis même retourné en fin de semaine, ça me tentait de réessayer. C'est quelque chose qui m'attire, je trouve ça tellement beau, mm-hmm. les ciels étoilés. Puis là, en fin de semaine, encore une fois, j'étais dans le nord, j'étais presque à Mont-Tremblant. Fait que pour ce qui est du ciel, c'était magnifique, puis il n'y avait pas de luminosité autour, puis tout ça, puis... Là, c'est d'autres écueils que j'ai eus, mais je veux en faire. J'aime ça, mais je me rends compte qu'il va falloir que j'investisse si je veux vraiment faire ça. Ouais. Puis ça, c'est moins facile. C'est cela. Ben, merci d'avoir partagé tes réflexions avec nous. Oui. Et tes aventures. Et mes aventures, oui. Hey, je vous dis, là, sérieusement, là, à un moment donné, là, je me sentais pas gros dans mes culottes. Ben, on va passer au bloc suggestions. Toi, François, de ton côté, t'avais quoi à nous suggérer? Ben, on va parler de la Corée du Nord. Ah ah. Tiens. Ton prochain voyage? Ou... Oui, oui. Oh, oui. J'attends toujours l'offre. Avoue que ça serait. Tu sais, je veux dire, avoir cette offre-là pour quelqu'un qui. Ah ouais, je me lance. Là. Mais hein, c'est ouais. Clair. Là. C'est un pays qui est hyper étanche. Là. Tu sais, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, vous autres, vous le savez, j'imagine. Il y en a peut-être qui ne savent pas que la Corée du Nord, c'est. Sûrement qu'il y a très peu de gens qui sont pas au courant. C'est quand même connu là, depuis un bout que le dictateur Kim Jong-un, le fils de Kim Jong-il, mène d'une main de fer ce super pays qu'on n'a aucune maudite idée à quoi ça ressemble. Et ça fait longtemps qu'il a jeté le gant de velours en plus. Ah oui, oh, oh, oui, clairement. Puis on voit des photos, mais évidemment, c'est la propagande du dictateur qui nous envoie ça. Oui. Ah, c'est quelque chose, ces photos-là, à part ça. Oui, il y a beaucoup de manipulation. Ouais. Ben, on commence de plus en plus à en savoir sur le pays parce qu'il y a des journalistes occidentaux qui ont l'occasion d'aller là pour toutes sortes de missions, des missions diplomatiques. En fait, ils suivent des diplomates, ils suivent des dirigeants de pays qui sont là pour diverses raisons. Il y en a un qui s'appelle David Guttenfelder, qui, lui, a été engagé récemment pour un reportage pour le New York Times, dans lequel il devait documenter des activistes qui traversaient la fameuse zone démilitarisée. Je veux pas un mot facile non plus, celui-là. Non, puis je veux parler trop vite, je sais pas pourquoi. Entre les deux Corées, là, tu sais. Fait que les activistes, eux autres, c'est qu'ils voulaient... Bon, c'était le processus de la paix, ils voulaient unifier, évidemment, la Corée du Nord, du Sud, bon. Tu sais, lui, il était là pour documenter ça. Entre ces reportages et ces documents qu'il devait faire, comme ça, il a pris des photos et des vidéos de ses moments de vie tout à fait normaux, n'importe quand, de sa chambre d'hôtel. Il a filmé et il a mis ça sur Periscope. Et d'ailleurs, wow. Je crois que c'est le seul hôtel qu'il y a en Corée du Nord, hein, l'hôtel où il était. Parce j'ai pas vu. Moi, j'ai déjà vu, en tout cas, une photo, ben, un article qui disait « Voici... » l'hôtel de la Corée du Nord. J'ai la même chose, c'est moi aussi. Probablement le seul qu'il y a à là Pyongyang, parce qu'ils ont à peu près. Ils n'ont pas vraiment de touristes. Il n'y a pas de touristes de là. Oui. Ça ne sert à rien des hôtels dans son coin-là. Puis ce journaliste-là, lui, mine de rien, il a quand même fait une quarantaine de voyages en Corée du Nord parce qu'il était affecté aux photos officielles de la Maison-Blanche. Ah, il est allé avec Madeleine Albright dans les années 2000. C'est dans ses premiers voyages. Tout ça, vous pouvez lire ça sur un article qui est absolument fabuleux. Hyper intéressant à lire. Il y a des photos, il y a des vidéos. Le site est bien construit avec des fonds animés en, j'imagine, c'est en Flash ou en HTML5. Là, je ne sais plus trop qu'est-ce qui anime les vidéos sur une page web. Il y a pas mal rendu tout HTML5. Ouais, il y a de moins en moins de Flash. C'est superbe, bien fait, bien rédigé. Puis, on y explique l'importance de photographier pour la première fois des endroits qu'un étranger n'a pas vu. Dans ce cas-ci, ça fait 60 ans qu'on n'a pas vraiment d'idée sur ce qu'est la Corée du Nord, vu par un étranger, bien sûr. Oh, ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose de fascinant à lire. Je vous enjoins, s'il vous plaît, d'aller lire ça. C'est dans nos notes d'épisode. Cool. Parfait. On retourne à Christian. Moi, je vais conclure l'épisode tout de suite après avec ma suggestion, mais à toi la parole, Christian. J'ai trouvé... c'est un livre photo qui va sortir dans pas long. C'est des photos fantaisistes d'enfants qui ont le cancer. Le photographe a le photographe Jonathan Diaz a décidé de faire des photos. C'est des montages, là, entendons-nous, là, c'est clair, net et précis, là, mais c'est pour redonner espoir, redonner un petit peu de courage aux enfants qui sont malades. Il y en a un qui est déguisé en Batman, avec un décor très Batmanesque avec le spot. T'en as, c'est Alice in Wonderland, là, Alice au Pays des Merveilles. C'est très ludique comme photo. Il y en a un autre que c'est un footballeur, des choses comme ça. Je trouve que c'est joli, puis c'est une belle intention en plus. Là. T'sais, juste la photo, justement, là, de Alice au Pays des Merveilles, qui est la petite fille cancéreuse qui a plus de cheveux sur la tête. Là. T'sais, ça pogne un peu au cœur, mais en même temps, c'est une belle chose, puis ils veulent donner une partie des recettes. Des recettes, excuse-moi, j'avais juste le mot « royalties » en tête, justement pour aider là, des projets là, pour ces enfants-là. Fait que, t'sais, je trouve qu'en plus, c'est un beau geste, fait qu'en même temps, ben c'est ça, ça vaut la peine d'être vu. Mm-hmm. Parfait, merci bien. Toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a accroché? Moi, ce qui m'a accroché, c'est à Londres, il y a une centaine d'appareils photo qui ont été donnés à des itinérants et les résultats ont été époustouflants. C'est une initiative là, qui a été faite par... en fait, il y a un entraînement qui a été donné par le Royal Photographic Society. Et puis, alors, ils ont choisi des itinérants comme ça. Ils leur ont montré comment se servir de l'appareil photo, tout ça, rapidement. Et puis, les itinérants ont commencé à se servir des appareils. Et quand ils ont vu les résultats, c'était assez incroyable. Puis, vous irez voir les photos sur le site. Mais ça fonctionnait comment? C'est des films? Quoi, ou c'était numérique, les appareils? Ou... C'est des films, parce que tu le vois sur les photos sur le site. C'est là, de la pellicule. Ben, j'imagine des petits appareils jetables. Ouais, genre, c'est quelque chose comme ça. Qui n'ont pas donné des appareils à 800$. Non. Des appareils numériques. Mais c'est ça. Puis il y a 20 photos qui ont été choisies par... Il y avait des juges qui provenaient de Fujifilm, du London Photo Festival, de Christie's, tout ça. Et il y a en ce moment une campagne Kickstarter qui achève, mais qui a atteint son objectif. Elle se termine dans environ une semaine. Et ils voulaient atteindre 4 500 £. Et ils en ont presque 16 000. Cool. Ouais. Puis, en tout cas, je peux pas décrire vraiment les images en tant que telles. Il y en a de tous les styles. C'est vraiment intéressant quand même. Puis, on le voit, c'est un petit appareil photo jetable de Fujifilm. Là, j'avais juste pas... j'avais comme oublié entre le moment où j'ai trouvé l'article. Puis, OK. Mais c'est ça, c'est des petits appareils Fujifilm verts là, jetables. Ouais. Là. OK. Ah. Puis, qu'on retrouve souvent sur les tables d'invités dans les mariages, ces choses-là. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça, allez voir les photos. Il y a aussi une vidéo sur le Kickstarter. Puis, les liens, évidemment, sont tous dans les notes d'épisode. Puis je trouvais ça intéressant de voir souvent avec l'œil de perception de quelqu'un de d'autre, gens qui là, vivent ouais. dans la rue, qui ont probablement une toute autre vision de la vie ou de ce qui est beau ou de peu importe. Ouais. C'est, je trouvais ça intéressant. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent parce qu'ils sont dans la rue non absolument plus. Absolument pas. Non, si ça se trouve, il y a peut-être parmi tous ces gens-là, il y a peut-être déjà eu des gens qui faisaient de la photographie aussi. Oh, oui, oui. Puis pas importe, juste ça, là. Ils ont accès à des scènes qui. Je sais pas comment dire, j'imagine qu'ils ont été en mesure de prendre des photos qui n'étaient pas possibles pour quelqu'un qui apparemment n'est pas itinérant. Fort probable. Ouais, ça se peut très bien aussi. Ou qui évite certains coins de la ville, carrément. Oui, c'est les ça. Gens, ouais, tout comme on en a déjà parlé, ces petits appareils photos-là, c'est petit, là, c'est discret. Aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, imagine un itinérant avec un appareil photo de même. Comme tu dis, François, ben il peut prendre une photo que nous autres, avec un gros appareil photo, on pourra probablement pas prendre. Ouais. Le monde va être trop gêné ou quoi que ce soit, tandis qu'un itinérant, tu le vois pas, tu y penses pas, puis il prend photo. Non, puis tu sais, dans le building désaffecté qui habite, il y a ça personne aussi. Qui rentre là à part... Voilà, en effet. Fait que, j'imagine qu'il y en a... Je sais pas s'il y en a, mais bon. Ouais, ben, je sais pas s'il y en a sûrement, mais ils ont peut-être pas été choisis parmi les 20 photos gagnantes, entre guillemets. Là, puis c'est ça, ben les profits étaient remis à l'organisme qui aide les itinérants et tout ça. Pour, ben, vont être remis parce que la campagne n'est pas terminée, mais quand même. Cool. Alors, ceci conclut ce 77e épisode. Très heureux de revenir en onde. Oui, en effet. Ça va partir trop longtemps. Oui. Ben voilà, merci à vous, chers auditeurs. Merci François. Merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Puis n'oubliez pas, envoyez-nous vos commentaires, questions, suggestions, etc. Ça nous fait toujours plaisir. Vos plaintes, si vous vous êtes trop ennuyé de nous. C'est bon ça. Oui, c'est une bonne plainte à savoir. On accepte toujours bien les compliments de même. Et voilà, donc à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter au numérique, sur Facebook et Google+, Objectif numérique. J'ai un petit peu relâché la communauté pendant l'été, en fait depuis quelques mois, mais on approche les 8000 membres. Et là, je vais nommer, je crois, des modérateurs. Donc, s'il y en a parmi vous qui voudraient soumettre leur candidature pour devenir modérateur de la communauté, il s'agit tout simplement de refuser les photos qui ont un aspect publicitaire ou un truc comme ça, puis d'accepter ceux qui ont été malheureusement filtrés comme étant du pourriel ou des mauvaises photos et qui sont généralement 9 fois sur 10 au moins, qui sont de bonnes photos. Mais je ne sais pas comment Google calcule ces trucs, là, mais... Ou si quelqu'un qui en publie beaucoup à la fois, ben peut-être que là, l'algorithme dit « OK, c'est louche mm-hmm. ». Enfin. Donc, si quelqu'un veut nous donner un coup de main à gérer tout ça, ben ça serait très apprécié. Écrivez-nous aussi à podcast@objectifnumérique.com, puis ça va nous faire plaisir de nommer quelques modérateurs pour faire ça. Alors voilà, au prochain épisode, on va vous parler de... pas mal de choses intéressantes. Je vais faire la critique du drone Bebop de Parrot dont j'ai pu me servir cet été un petit peu. On parle de photobombes célestes, de toutes sortes de trucs intéressants. Alors soyez avec nous dans 2 semaines, comme à l'habitude, à l'épisode 78. D'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs. Sortez pendant qu'il fait encore beau. À la prochaine.